Écoutez, c'est l'été sur Fadjet. Vincent Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing produit pour l'Office de tourisme de Nancy. Après une découverte de l'Art Nouveau à Nancy et les différentes visites possibles cette semaine, les plus gourmands d'entre nous n'en manqueront pas une miette puisque nous faisons un coup de projecteur sur la marque Nancy Passion Sucrée, les spécialités sucrées et les visites possibles liées à cette thématique. Alors Nancy Passion Sucrée, c'est quoi ? Alors Nancy n'a pas seulement un riche patrimoine bâti, mais aussi de bonnes gourmandises, de quoi se régaler les papilles. Et c'est vrai qu'en s'attardant un petit peu sur les spécialités locales, on se rend compte que la plupart en fait sont des spécialités sucrées. Hein. Alors c'est vrai que la bergamote est bien connue, les macarons, mais d'autres aussi, peut-être moins connues, comme les duchesses ou les visitandines. En tout cas, les noms de ces spécialités évoquent l'histoire de Nancy, les ducs de Lorraine, leur lien avec l'Italie. Hein, quand on parle des Florentines, par exemple, c'est une référence à l'Italie. Les ducs de Lorraine ont beaucoup de relations avec l'Italie. Donc, en fait, ces spécialités sucrées, cette marque que nous avons lancée en octobre dernier, Nancy Passion Sucrée, a plusieurs objectifs. Tout d'abord, c'est faire connaître l'histoire de ces spécialités. C'est aussi, bien entendu, les faire découvrir et surtout faire découvrir le savoir-faire des artisans, des confiseurs qui les réalisent. Et donc, pour avoir la marque Nancy Passion Sucrée sur un produit, il faut répondre à certaines exigences d'un cahier des charges qui a été établi en lien avec la Chambre de commerce et d'industrie, mais également avec la Chambre des métiers d'art et de l'artisanat. Donc c'est vraiment un projet collaboratif avec des professionnels, avec des artisans qui doivent vraiment réaliser ce savoir-faire qui est important et qui intéresse beaucoup de gens aujourd'hui. Et donc on développe aussi différentes prestations pour faire connaître à la fois le goût et l'histoire de ces spécialités, mais également le savoir-faire et les hommes et les femmes qui en sont à l'origine. Comment la reconnaît-on aujourd'hui, cette marque ? Alors, en fait, ces produits ont un petit logo, Nancy Passion Sucrée, avec, donc c'est un rond avec trois petits points colorés, donc un petit autocollant qui est accolé sur les vitrines des partenaires de cette marque, mais également sur les produits que l'on trouve chez ces artisans commerçants, mais également à la boutique de l'Office de tourisme. Et on trouve également toutes les explications sur notre site internet nancy-tourisme.fr. Il y a des visites guidées liées à cette marque, justement, pour découvrir ? Oui, tout à fait. On organise des visites guidées avec un guide qui est là pour raconter l'histoire de ces spécialités liées à différents lieux, liées à différents personnages, donc les ducs de Lorraine comme j'en ai parlé, mais également Stanislas hein, à qui l'on doit le fameux baba au rhum, mais aussi la madeleine. Et on fait donc quelques haltes chez différents partenaires, confiseurs, artisans, qui proposent des dégustations, donc une visite pour découvrir, mais également pour se régaler. Donc ça, c'est des visites tout l'été. Alors, pas uniquement cet été d'ailleurs, il y en a une par mois. La prochaine a lieu le 22 août, mais on aura également une le mercredi 23 septembre et une dernière pour la saison, le mercredi 21 octobre. Donc, on retrouve ces visites sur notre site internet nancy-tourisme.fr. On peut également réserver directement en ligne et elles sont au tarif de 15 € avec, bien sûr, toutes les dégustations qui sont incluses dans ce tarif. On a noté la date du 22 août, mais avant cela, d'autres choses à faire sur Nancy avec ce week-end des 15 et 16 août. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, beaucoup de choses, hein, comme tout cet été à Nancy, des visites très classiques, la visite du centre historique pour les touristes ou pour les Nancéiens qui n'auraient pas encore eu l'occasion de découvrir le centre historique avec un guide. Des visites aussi plus thématiques, plus insolites, notamment une visite qui est proposée ce samedi en matinée à 10h30 sur le patrimoine industriel. C'est un parcours qui part de l'ancien site des manufactures de tabac, qui est aujourd'hui, entre autres, le théâtre de la manufacture, mais aussi la médiathèque, et qui se termine sur les rives du canal, ce quartier au riche patrimoine industriel. Donc c'est un parcours d'1h30 avec un petit peu de marche hein, entre donc la voie de chemin de fer et le canal, mais qui permet vraiment de redécouvrir ce patrimoine un peu ignoré pendant quelques temps et que on souhaite valoriser ce jour avec donc différents moyens. Il existe déjà un guide que l'on peut découvrir à l'Office du tourisme patrimoine industriel, mais également cette visite guidée donc qui est proposée notamment samedi prochain. Et puis une visite sur l'Art Nouveau en centre-ville le vendredi 14 avec des belles façades devant lesquelles on passe peut-être souvent sans forcément prêter attention à leur beau décor. Je pense à des façades de banque, des façades de commerce dans la rue Saint-Jean, dans la rue des Dominicains et on termine à l'Excelsior qui est le fleuron de l'Art Nouveau en centre-ville. Merci à Vincent Dubois. Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site www.nancy-tourisme.fr ou par téléphone au 03 83 35 80 10